Qu'arrive-t-il en ce moment en Égypte? Plus précisément, il y a eu trois journalistes d'Al Jazeera, un Canadien, Mohamed Fahmy, et deux autres qui ont été détenus en Égypte. Pourquoi ont-ils été détenus? Aujourd'hui, en Égypte, il y a 50 000 plus prisonniers. Milliers sont tués dans la rue. Près de 10 000 condamnés à mort, incluant le président, le premier élu démocratique d'Égypte. Les gens n'ont pas de droit de manifester. Les médias et Internet contrôlés. Le système juridique est corrompu. Et les trois journalistes, parmi l'autre 40 plus journalistes, ont été arrêtés parce qu'il les convient d'être cités commis par l'armée et rejeté a suivi la fausse information propagée par les médias contrôlés par le gouvernement. C'est pourquoi les autres ont arrêté, parce que les autres, je suis sorti de la marge d'information permise par le gouvernement. Et l'un des journalistes, Mohamed Fahmy, il s'est fait retirer son passeport canadien lorsqu'il s'était fait arrêter par les autorités égyptiennes en décembre 2013. Et le gouvernement canadien refuse toujours de lui en accorder un nouveau. Est-ce que vous savez pourquoi au juste et est-ce que c'est relié au fait que le Canada continue à soutenir le président Al-Fatah al-Sissi en Égypte? Malheureusement, oui. Le gouvernement Harper était la première qui s'est tenue contre le droit de l'homme. Les autres soutiennent le coup militaire en Égypte, presque la première. Les autres félicitent Sissi, qui, à la même temps que Sissi, tuent des manifestations pacifistes en mairie d'Égypte chaque jour, assassinent son adversaire. Et actuellement, malheureusement, c'est qu'est-ce que le gouvernement canadien fait de coups de situation. C'est pas juste avec Mohamed Fahmy, beaucoup de gens. Là. Il y a une autre situation de deux, trois autres personnes canadiennes, citoyens ou résidents permanents. Là. Et Canada n'a jamais écouté le rapport de Human Rights Watch, jamais écouté le rapport d'Amnesty International, qui est très clair que la façon de l'Égypte traiter l'agent arrêté et tuer l'agent de la rue. Et c'est malheureusement, oui, c'est ça pourquoi les autres en avaient la position politique appuie le gouvernement un pouvoir en Égypte. Oui, en fait, votre organisme demande toujours au gouvernement Harper de saisir son soutien pour le gouvernement égyptien. Et vous dites au nom des valeurs démocratiques au Canada et de l'intérêt étranger à long terme. Qu'arrivera-t-il? Qu'est-ce que vous espérez si Harper décide de condamner la culture de violence du gouvernement égyptien? Ouais, le gouvernement Harper ne représente pas la valeur canadienne actuelle. Ce sont les gouvernements néo-conservatrices là, qui pratiquent la discrimination et l'haine, soit de presque toutes les minorités. Là, on parle ici, bien sûr, du principe de l'arabe, le musulman, l'Égypte, ou le Moyen. On rencontre avec le bureau des affaires étrangères. Les gens ici, ils se sont dit qu'ils pouvaient tolérer l'abus des droits de l'homme contre l'islamiste, comme les islamistes ne sont pas humains, là. Mais ils sont intéressés à la lutte contre l'abus des droits de l'homme des personnes laïques. C'est quelque chose de bizarre quand tu écoutes le gouvernement, le pouvoir, le bureau des affaires étrangères, dire actuellement un mot comme ça. Là, quand vous avez une situation de quelqu'un laïque, juste ma vie, là. C'est bizarre. C'est une discrimination claire, choisie. C'est quelque chose, c'est pas une valeur canadienne, c'est le gouvernement Harper. Donc, est-ce que vous croyez que ça serait différent si ce n'était pas les conservateurs au pouvoir? On pense oui, je dis clairement, c'est pas quelque chose de caché, là. La NPD, la première journée, la critique des affaires étrangères, moyenne. Message clair contre la coupe militaire, contre l'abus des droits humains. On rencontre l'agent des libéraux, on rencontre l'agent de NPD, le Parti vert aussi. Les gens, tous les gens disent, c'est le gouvernement Harper. OK, les gens, attendent le moment qu'on a besoin du gouvernement Harper. Peut-être c'est meilleur. On parle juste de questions, peut-être autre chose aussi, là, mais aujourd'hui, on parle de questions des chiffres, là. Juste pour revenir à Al-Sisi, il y a eu l'assassinat de 13 activistes politiques et du parlementaire Nasser Al-Hafi récemment. Et il y a toujours la répression intense et continue du groupe The Muslim Brotherhood, qui est une organisation islamique dont l'un des membres fut l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Comment se fait-il qu'il y a eu le printemps arabe en 2011 qui promettait la fin à la répression et corruption de l'ancien gouvernement égyptien avant Sisi et que maintenant nous nous retrouvons avec ce dictateur Al-Sisi? Je vais commencer par la dernière partie de votre question. Mm-hmm. Se fait-il qu'il y a eu le printemps arabe 2011 qui permettait la fin de la répression et de corruption de l'ancien gouvernement égyptien avant Sisi? Et moi aussi, que maintenant, nous nous retournons avec le dictateur comme le Sisi. Sisi, le retour de régime corrompu pur qui est le régime de Moubarak. Et l'État, comme on l'appelle, la DIP. Tout le monde cherchait le droit humain, cherchait la démocratie, mais maintenant on retrouve le même régime pur qu'on avait durant le Maroc. Et malheureusement, comme on voit, la force extérieure d'Égypte là, représente la famille conservateurs, l'État des régions du Golfe, là, plus de force dans le Canada aussi. Le Canada s'est mis en accord avec l'Irak. Pour soutenir Sisi. C'est quelque chose, c'est un accord officiel là, pour soutenir la régime Sisi. Mais c'est pas, bien sûr, le mot, c'est pas écrit comme ça, comme soutenir, mais pour soutenir la fournir l'arme, les choses comme ça, de police égyptienne. La meurtre de 13 personnes est un assassin direct, un crime qui est utilisé par Sisi, qui permet en gang, en uniforme, là, qu'on appelle la police ou l'armée, là, de commettre. Là. Ça, c'est clair et actuellement, les gens n'ont pas besoin d'écouter l'Égyptien dire ça. Peut-être moi, je suis égyptien, j'avais intéressé de quelque chose de particulier. Mais on a besoin de lire le rapport de Human Rights et le rapport d'Amnesty International qui est clair, parler des crimes qui sont par le régime de Sisi dès le premier jour du coup, le jour de la coup d'État de 2013, le 3 juillet 2013, jusqu'à aujourd'hui, incluant l'assassinat des 13 personnes que tu parles, les gens. Actuellement, il n'y a pas de quelque chose contre le sort, juste assassiné, là. Et dans le même communiqué de presse que vous avez envoyé il y a un mois au public, vous avez indiqué que malgré le régime tyrannique d'Al-Sisi, vous croyez que la révolution du printemps arabe en 2011 continue toujours ce jour. Comment continue-t-elle et comment prévoyez-vous la fin du régime d'Al-Sisi de son système de répression? Nous ne devons pas oublier le Chili et peut-être de deux ans détaillés que la coupe d'État a mesuré la révolution et comment le peuple était en mesure de revenir et de gagner le contrôle de leur destinée. La coupe militaire est devenue un régime fasciste, l'Égypte, là. Elle crée le point tournant sur la fin de la révolution parce qu'il y a tellement de besoin de déterminer exactement parce que parce que doit être clair, définir une ligne entre le simple changement de garde et une véritable révolution. Et définir les gens se tiennent avec la statu quo ou les gens pour la révolution. Et ça, c'est pourquoi on considère ce qui se passe en Égypte. C'est bien sûr malheureusement ce qui se passe, mais à la fin, je pense que c'est positif parce que c'est donné la jambe révolutionnaire actuellement. L'état actuel, pas juste vivre avec l'état de profondeur, la deep state. Là. Et est-ce qu'il y a une façon que les gens au Canada, les lecteurs qui nous écoutent à Montréal peuvent s'impliquer dans cette lutte contre la répression violente politique en Égypte? Bien sûr. Et la première chose qu'on a dit direct, là, c'est un mouvement de peuple maintenant dans tout le monde. Là. Notre déclaration, notre conférence, pour informer les gens partout dans le monde, à la société civile, commencer la propagation des déformations par les médias contrôlés par le coup des tiny ships. Nous avons le peuple partout dans le monde très actif dans les droits du peuple égyptien. Le demande de notre gouvernement des fichiers sociaux. La violation des droits humains, la massacre d'Égypte, la massacre de démocratie d'Égypte. Et nous aussi, au Canada, nous approchons l'élection fédérale. Je pense que c'est le moment de discuter avec l'agent candidat, les candidates, pour actuellement être sûr que l'agent puisse obtenir les droits humains partout. On parle pas d'Égypte, la question d'Égypte, bien sûr, c'est la question sur la table aujourd'hui, là. Partout, on a cherché la gens de poser la question. On parle du gouvernement fédéral, ce n'est pas un gouvernement provincial, on ne parle pas du gouvernement de services directs. On parle gouvernement actuellement géré du Canada partout. Et partie importante du soutien de principes de valeurs canadiennes comme les droits humains, comme on appelle, on a besoin d'être sûr que le gouvernement canadien applique ce qu'on appelle la fair trade. Là, c'est pas une affaire avec un gouvernement qui actuellement ne respecte pas les droits humains, ne respecte pas la démocratie. Ça, je pense, nous, comme citoyens canadiens et québécois, on a besoin actuellement d'être sûrs qu'ils appliquent notre gouvernement. Est-ce que vous avez des projets avec le SCCT a adressé ce problème en Égypte pendant les élections? Est-ce que vous avez déjà communiqué avec Harper ou avec des autres partis? Moi, seulement, on a parlé des autres partis. On a bien sûr discuté avec d'autres partis, incluant le Parti conservateur, bien sûr. Mm-hmm. On a essayé de les gens comprendre sur la grassroots actuellement, qu'est-ce qui se passe en Égypte. On a bien sûr on a commencé à rencontrer le candidat, les candidats. Tout le local électoral pour être sûr qu'il y ait cette question sur l'État. Et cette question, on ne parle pas de la fin d'Égypte, on parle de respect des droits humains, on parle de respect des valeurs canadiennes comme humaines égyptiennes, avec le droit actuellement, comme partout le monde, le droit de vivre avec dignité, de vivre la pratique de la démocratie. C'est parfait, monsieur Mohamed Kamel, et espérons qu'il y ait justice en Égypte et que le printemps arabe l'amène. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Merci.